franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Albert Camus, le discours de Stockholm, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Daigre, réalisée par Baptiste Guitton. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 en Algérie. Il ne connaît pas son père, qui meurt au combat en France en octobre 1914. Sa mère, en partie sourde, ne sait ni lire ni écrire. Aussi est-il élevé à la dure par sa grand-mère dans un quartier populaire. Comment ce petit truand d'Alger, dixit Jean-Paul Sartre, va-t-il devenir une figure majeure du XXe siècle ? Écrivain, dramaturge, philosophe, romancier, essayiste et novelliste, il est aussi journaliste engagé dans la résistance et militant proche des libertaires après la libération. Caligula, le mythe de Sisyphe, l'étranger, le malentendu, la peste, les justes, et n'oublions pas la chute et ses philosophiques, sont quelques-uns des titres d'une œuvre tenant l'absurde de l'existence humaine pour une force vitale, un puissant moteur, dès lors que l'homme n'abdique pas en se suicidant, mais au contraire, considère que la seule réponse philosophique qui vaille, c'est la révolte. Inclassable, charmeur invétéré, penseur et moraliste, habité par un humanisme exigeant et sans compromis, Camus est le seul écrivain du monde occidental à dénoncer en 1945 l'utilisation du feu nucléaire sur Hiroshima. Il combat avec la même énergie les régimes totalitaires de droite ou de gauche, la peine de mort, le terrorisme, et il milite pour la création d'un statut pour les objecteurs de conscience. En 1957, amis et détracteurs le pressent de prendre publiquement position sur la guerre d'Algérie. Lui, sur ce sujet, a récemment fait vœu de silence, considérant que chaque mot ne peut qu'ajouter à la violence. Un événement va finalement l'obliger à s'exprimer à nouveau sur le conflit. Une personnalité littéraire a de vrais ennemis pendant sa vie et presque autant de faux amis après sa mort. Dans son livre, Albert Camus, une vie, publié en 1996 chez Gallimard, Olivier Todd, que nous recevons en seconde partie d'émission, montre dans son livre, sans gommer ni grossir les qualités ou les défauts de l'homme et de l'écrivain, comment l'auteur de L'étranger et de L'homme révolté tenta d'accorder sa vie, son œuvre et sa morale. La fiction, elle commence le 16 octobre 1957. Albert Camus apprend que l'Académie suédoise vient de lui décerner le prix Nobel de littérature. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Albert Camus, le discours de Stockholm, de Vincent Daigre. Ce 16 octobre 1957, une rumeur insistante enfle dans tout Paris. Camus, à table chez Marius avec Patricia Blake, son amante américaine, va bientôt en prendre connaissance. As-tu pu joindre ton correspondant ? Oui. Cela devait être important pour devoir l'appeler au milieu de repas ? Oui, assez. Qui est-ce ? Qu'en penses-tu ? Une femme, évidemment. Qui donc ? Oh, tu voudrais bien le savoir, hein ? Oh, Albert, tu n'es pas vraiment drôle. C'est vrai, je suis pas drôle du tout. Tu pourrais tout de même m'accorder un petit caprice de temps en temps. Non, pas du tout. Tu es insupportable. Ne suis-je pas ta seule amante américaine ? Pas même. Tu es un horrible français, goujat et prétentieux. Pour moi, tu es et tu seras toujours New York. Pour moi, New York, c'est toi. C'est peu, mais c'est déjà ça. Te comportes-tu donc ainsi avec toutes tes femmes ? La statue du commandeur m'attend. La cause est entendue. D'ici là, aimer et posséder, conquérir et épuiser. Voilà l'honneur de Don Juan. En amour, tu n'as pas d'honneur. Les femmes me trouvent charmant, tu sais. Tu sais le charme. Une manière de s'entendre répondre oui sans avoir posé de questions claires. T'y puis-je ? Incorrigible égoïste. Sois indulgente, ce n'est pas d'égoïsme. C'est une sorte d'incapacité congénitale à voir dans l'amour autre chose que ce qu'on y fait. C'est une infirmité. Tu n'as tout de même pas accablé un pauvre infirme. Si, peut-être même que je vais t'assassiner. Une bien jolie exécutrice. Elle est à toi, cette enveloppe ? Quelle enveloppe ? Là, sur la table. Ah oui, cette enveloppe. On l'a apportée pendant que tu téléphonais. Encore un mot doux d'une admiratrice, sans doute. Mauvaise nouvelle ? Albert ? Albert, tu me fais peur. Respire ou tu vas suffoquer. Que se passe-t-il ? Malraux aurait dû la voir. Mais enfin, de quoi parles-tu ? Les actualités françaises, octobre 1957. À Alger, la rébellion a perdu un de ses chefs. Arrêté avec sa compagne Zora Drif, Yassef Saadi, maintenant sous bonne garde, dirigeait toute la rébellion de la zone d'Alger. Il rendra compte à la justice de ses activités. Limours est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de Spoutnik. Le satellite russe qui a commencé sa course extraordinaire autour du globe et devient ainsi le premier engin à atteindre l'espace extraterrestre. Sport et lettres. Dans un parc des Princes archi-comble, le Racing Club de Paris culotte noire recevait Monaco. Cependant, les caméramans des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel de littérature 1957. Parc des Princes, 18 octobre 1957. Merci, monsieur Camus, de nous accorder cette interview impromptue. Je vous en prie, profitons ensemble de la mi-temps. Si vous en êtes d'accord, je vous poserai d'abord une question sur le match, puis ensuite peut-être quelques questions sur votre prix Nobel. Bien sûr. Nous garderons les meilleurs extraits au montage. Êtes-vous prêt ? Je le suis. Ça tourne. Monsieur Albert Camus, dites-moi, le gardien du Racing n'a pas l'air très en forme. Faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué gardien, je crois. Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois. Cette expérience vous a-t-elle été utile ? Eh bien, écoutez, quand on est goal, on ne sait jamais d'où la balle va venir. Ça m'a beaucoup servi dans l'existence. Surtout dans la métropole, où l'on n'est pas toujours franc du collier. Mais c'est peut-être différent dans le milieu des lettres ? Une autre question. Albert Camus. Quelle a été votre première impression quand vous avez appris que vous étiez prix Nobel 1957 ? De toute ma vie, ma mère ne m'a jamais autant manqué. J'ai d'abord songé à le refuser. Mais ce prix distingue d'abord mon pays et ensuite un Français d'Algérie. J'imagine que cela doit être un grand bouleversement. Ah oui, un concessionnaire Citroën m'a téléphoné pour que j'achète une DS. Bon, je déteste la vitesse et je me méfie des automobiles. Mais encore ? Je vais avoir plus d'ennemis. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise. Je pense d'ailleurs sincèrement que deux ou trois écrivains mériteraient d'être choisis avant moi. Mais puisque le jury a décidé de nommer un écrivain français, il a peut-être voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. Irez-vous en Suède recevoir le prix ? Le contraire serait inadmissible. Eh bien, nous vous remercions, Albert Camus, pour vos réponses franches du collier. Je vous en prie. Coupez ! Entre nous, vous pensez réellement que d'autres écrivains méritent plus le prix que vous ? J'aurais voulu voir couronner Malraux. Et vous avez déjà eu une idée pour commencer votre discours ? Si je vous le dis, vous ne me croiriez pas. Dites toujours. Tout vient de la merde et retourne à la merde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le match reprend. Je parie sur Monaco. Les actualités françaises, décembre 1957. Jouant l'étranger sur les quais glacés de la Venise du Nord, Albert Camus a joué quelques heures les passants anonymes à Stockholm avant d'affronter la gloire officielle. De l'étranger à la chute, une œuvre traduite dans toutes les langues, a conduit Albert Camus, accompagné par son épouse Francine, gracieuse représentante du charme français, surnommée par la presse populaire Pin-up Nobel numéro 1. Et par Michel Gallimard, neveu du célèbre éditeur sous le buste de Nobel. Comme chaque année, le roi Gustave VI et la reine Louise ont présidé la remise solennelle des prix décernés par l'Académie suédoise. Comme la tradition l'exige, et devant toutes les personnalités du royaume, Albert Camus, qui fut l'étoile de cette nuit, a prononcé son discours à l'issue du banquet final des cérémonies. « Hôtel de Ville de Stockholm, 10 décembre 1957. Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre Académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude est d'autant plus grande que je mesure à quel point cette récompense dépasse mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais comment un homme riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier peut-il apprendre, sans une sorte de panique, cet honneur qui le porte d'un coup, seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue ? De quel cœur peut-il recevoir ce prix, à l'heure où, en Europe, d'autres écrivains sont réduits au silence et au moment même où sa terre natale connaît un malheur incessant ? J'ai connu ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que possible quelle est cette idée. L'écriture n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, mais un moyen d'émouvoir le plus grand nombre en offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Et puisque la vocation de l'écrivain est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Aussi, le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Il ne peut pas se mettre au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Toutes les armées de la tyrannie ne l'enlèveront pas à la solitude, surtout s'il consent à marcher à leurs pas, mais le silence d'un prisonnier, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à faire retentir ce silence par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours entre deux engagements difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans, perdu comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions de notre époque, j'ai été soutenu par le sentiment obscur qu'écrire était un honneur, parce que cet acte m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ensemble, nous avons dû forger un art de vivre partant de catastrophes, pour lutter contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération se croit sans doute vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération sait que sa tâche consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Devant un monde menacé de désintégration, c'est cette génération qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autres titres que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales ? Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites et à mes dettes, je reçois la distinction que vous venez de m'accorder comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me reste alors à vous remercier et à vous faire publiquement la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence. France Soir, édition du 12 décembre 57. Après avoir reçu avant-hier le prix Nobel de littérature, Albert Camus a participé aujourd'hui à un débat à l'Université de Stockholm. débat au cours duquel il a été violemment pris à partie par un étudiant partisan du FLN qui a conclu sa diatribe par « Vive l'Algérie libre !» Grand Hôtel de Stockholm, chambre 108, 12 décembre 1957. Ah, Francine, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer pour si peu. Entre chacune de ses attaques, il consultait ses amis suédois comme un roquet aux ordres de ses maîtres. Il te voulait du mal, Albert. Cela se voyait sur son visage. C'est le plus douloureux, rencontrer un visage de haine chez un frère. Ceux du FLN, je sais que je dois essayer de les comprendre, mais c'est difficile. Je ne les aime pas. À la réflexion, je ne crois pas que c'était de la haine. C'était plutôt la figure du malheur et du désespoir. Ce malheur, nous le partageons. C'est celui de notre pays. Ils t'ont tendu un piège. Ils voulaient te mettre en difficulté. Mais c'est raté. J'ai pu donner publiquement à ce jeune Algérien les explications personnelles que j'avais longtemps tues. C'est à lui seul que j'ai répondu. À lui seul, crois-tu? Oui, je sais qu'ils sont nombreux en embuscade. Je voudrais que le bruit de ce Nobel s'éteigne rapidement et que je disparaisse pendant quelque temps. Je n'arrive plus à écrire. Je n'ai plus envie que de théâtre. Ah oui, le théâtre. Le théâtre et ses jolies tragédiennes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. À ma mauvaise façon. Es-tu triste? Je suis seul. Non. Puisque je suis là. Et les enfants aussi. En tout cas, je crois que j'ai trouvé la bonne formule concernant le terrorisme. On jette des bombes dans les tramways d'Alger où pourrait se trouver ma mère. Si c'est cela votre justice, je préfère ma mère. Un peu théâtral, peut-être. Bon, peut-être. C'est si compliqué d'éviter le faux pas. Tu as été courageux. Tu sais, c'est vrai, ta présence m'aide beaucoup. Tu es gentil. J'avais peur de te gêner en venant à Stockholm avec toi. Pas du tout. Et normal que tu sois à l'honneur. Tu as subjugué la couronne de Suède. Simplement, je ne savais pas que tu étais faite pour épouser un ambassadeur. C'est seulement l'effet de la robe Balmain que tu m'as offerte. Francine, tu es ma sœur, tu me ressembles. Mais on ne devrait pas épouser sa sœur. Je t'ai pardonné, sais-tu? Nous, c'est difficile. Mais ce n'est jamais médiocre. Le Monde, édition du 14 décembre 1957. Ce matin, une conférence de presse ayant trait à la situation militaire a été tenue à Alger par le colonel Bijard, tandis que M. Lacoste, ministre de l'Algérie, évoquait les problèmes de pacification. Le colonel Bijard, de retour de Timimoun, a assuré que le moral est mauvais chez les hors-la-loi et qu'au Sahara, le FLN est annihilé. Avant-hier, Albert Camus, accompagné par son épouse et par son ami Michel Gallimard, a exposé aux étudiants de Stockholm son attitude devant le problème algérien. Rencontre intime où l'écrivain a une fois de plus témoigné d'une maîtrise de la parole, désormais légendaire en Suède. Répondant aux questions les plus diverses, il a déclaré à un étudiant partisan du FLN lui demandant pourquoi il n'avait jamais rien fait pour l'Algérie. « Je me suis tue depuis 1 an et 8 mois, ce qui ne signifie pas que j'ai cessé d'agir. » 16 décembre 1957, à bord du train Nord Express. « J'ai été, et suis toujours, partisan d'une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l'égalité. » « Ouais, tout à fait exact. » « J'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique jusqu'à ce que la haine soit devenue telle de part et d'autre qu'il n'appartenait plus à un intellectuel d'intervenir. » Absolument. Ces déclarations risquant d'aggraver la terreur. C'est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public. Je puis cependant vous assurer que vous avez des camarades en vie aujourd'hui grâce à des actions que vous ne connaissez pas. Et là encore, Michel, ma réponse est parfaitement retranscrite. Chut, laisse-le terminer. Mais c'est là que ça dérape. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je croise à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Je vois pas où est le problème. D'ailleurs, j'ai été applaudi. Albert, j'ai eu Jeanne au téléphone. La dernière phrase circule dans tout Paris, mais sous une forme un peu différente. Entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, Michel, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Beaucoup pourtant le croient. Alors fais publier par Le Monde une mise au point ou donne-leur une interview. Je suis fatigué des interviews. Tu ne peux pas rester sans réagir. Pour tout le monde en France, tu vas être celui qui préfère sa mère à la justice. La France, ce n'est pas cette misérable basse-cour. Malgré la mesquinerie et la méchanceté de droite ou de gauche, il faut bien vivre avec le sourire parmi ses contemporains. Mais enfin, Albert, tu ne vas tout de même pas te laisser tailler en pièces par ces médiocres. Lis, écoute, entends. J'entends que le prix Nobel est trop grand pour moi. L'Union des écrivains tchécoslovaques écrit qu'en attribuant le Nobel, l'Académie de Suède a couronné l'un des ennemis les plus virulents du marxisme et socialisme. Et crois-tu que je vais devenir une cible pour le KGB ? L'humanité m'a pourtant critiqué correctement. Alors, ailleurs, on a écrit que tu ne peux pas correctement parler de l'Afrique du Nord parce que tu en es originaire et que ça te paralyse. Et il y a bien pire, certains dont j'ai obtenu la grâce à la libération écrivent que j'aurais aimé commander un peloton d'exécution. C'est ignoble. Que je me taise ou que je parle. Je suis colonialiste pour le FLN, anticommuniste primaire pour la gauche, pas assez patriote pour la droite nationaliste. Les uns pensent que les terroristes ont acquis, d'une certaine façon, le droit de mutiler et d'égorger, tandis que les autres acceptent de légitimer au nom de l'honneur français ce qui est le plus contraire à cet honneur. Alors parle. Et défends-toi. Je suis fatigué. Si fatigué. Ce Nobel m'a donné un coup de vieux. Je vais dormir un peu. Paris Presse, 20 décembre 1957. Hier, une bombe, probablement posée par le FLN, a explosé dans les toilettes d'un appareil Armagnac de la compagnie Air France, reliant Oran à Paris. L'avion ayant subi une dépressurisation à 10 000 pieds d'altitude, a dû se dérouter sur l'aéroport de Lyon-Bron, où il s'est posé miraculeusement avec tout son équipage et l'ensemble de ses passagers sains et saufs. Alger. Le colonel Juille, directeur de cabinet du général Salan, a évoqué les succès obtenus durant les derniers jours. 271 hors-la-loi tués, une cinquantaine de prisonniers, ainsi qu'un mortier de 50, une mitrailleuse, trois fusils mitrailleurs, une centaine d'armes et des vivres récupérés. Mars 1958. Paris, une chambre au rez-de-chaussée. Albert Camus et son nouvel amour, Mi, jeune danoise. Tu es réveillée ? Ouais, toujours. Les premières lueurs de l'aube. Oh, et il est 10h30. Et c'est le premier jour du printemps. C'est un beau jour, alors. Un très beau jour. Oh, quel programme pour ce très beau jour. Qu'en dis-tu ? Paraissez en terrasse, au flore, comme lors de notre première rencontre, il y a un an. Un an déjà. Puis, piscine cet après-midi. Ce soir, au stade. Et je travaille quand ? Tu ne travailles pas ! Il le faut pourtant, les répétitions démarrent en novembre, les comédiens voudront un texte. Et les comédiennes ? Les comédiennes aussi. Je suis heureuse, tu sais ? C'est un enchantement, une bulle de temps sans limite. Tu vas beaucoup mieux. En janvier, j'ai eu si peur pour toi. N'en parlons plus, j'ai trouvé une source de jouvence. Ah oui ! Non, oui, et cette source miraculeuse, c'est toi. Si tu crois au miracle, tu es un peu chrétien alors. J'ai des préoccupations chrétiennes, mais ma nature est païenne. Ah, très, très païenne. Bois encore à la source, si tu veux. Quelle soif. Mais ce matin, il faut aussi que je réserve mon billet Marseille-Alger. 3 semaines sans te voir, ce sera beaucoup trop long. M'attendras-tu ? Sûrement pas. Je dois m'y rendre. Je sais. J'ai pensé à un moment qu'il y avait un espoir avec De Gaulle, mais je crois bien que c'est foutu. Il faut te détendre. Si ça arrive, je partirai. J'irai au Canada. À quand un nouveau roman ? Bientôt. Bientôt peut-être. Embrasse-moi. De notre vie, nous ne vivons vraiment que quelques heures. Les actualités françaises, édition du 8 octobre 1958. En fixant à Thiaré la première étape de son nouveau voyage en Algérie, le général de Gaulle a voulu honorer le centre de l'Algérie où la population a voté oui à 99%. Et la cité de 25 000 habitants a fait au chef du gouvernement une ovation elle aussi unanime. Un peu plus tard, Orléansville, presque entièrement reconstruite depuis le terrible séisme de 1954, accueillait à son tour le général de Gaulle, qui a dit « L'Algérie s'est engagée vis-à-vis de la France s'est engagée vis-à-vis de l'Algérie. C'est décidé, elles feront ensemble leur destin. » Mais c'est à Constantine que le général de Gaulle s'était réservé de dévoiler ce qu'on a appelé le plan de 5 ans pour l'Algérie. Cette transformation-là, cette œuvre immense, politique, économique, sociale et culturelle, qui donc peut la faire? Sinon la France. Or, il se trouve qu'elle le veut et qu'elle en a les moyens. Il se trouve aussi que les suffrages des Algériens viennent de prouver le désir que cela soit fait et que cela soit fait avec la France. À Paris, la Ve République est officiellement née. Au ministère de l'Intérieur d'abord, où l'ensemble des bulletins du référendum ont été entreposés, Monsieur Pelletier, ministre de l'Intérieur, a reçu le procès-verbal proclamant les résultats définitifs de la consultation consignés au tableau d'affichage. Au ministère de la Justice, deux jours plus tard, en présence des ministres d'État faisant partie du comité constitutionnel, Monsieur Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. C'est cette dernière formalité qui donne force de loi à la Constitution qui porte 25 signatures. Celle du président Coty, du général de Gaulle et celle des 23 ministres. L'exemplaire tiré sur parchemin Auvergne est aussitôt entré dans une vitrine. La Ve République est entrée dans l'histoire. Le 4 janvier 1960, vers 14h15, la puissante Facel Vega, conduite par Michel Gallimard avec à son bord Albert Camus, quitte brutalement la chaussée de la Nationale 5 en direction de Paris et s'écrase contre un arbre. L'écrivain est tué sur le coup. Michel Gallimard succombera à ses blessures quelques jours plus tard. Dans la carcasse du véhicule, on retrouvera une sacoche contenant le manuscrit en cours d'écriture du premier homme. Albert Camus n'assistera donc pas 2 ans plus tard à la reconnaissance officielle de l'indépendance de l'Algérie par la France lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle. Il est enterré au petit cimetière de Lourmarin, dans le Luberon, où il avait acheté une maison grâce au prix Nobel. Francine Faure, son épouse, repose à ses côtés. Vous venez d'écouter Albert Camus, le discours de Stockholm, de Vincent Daigre. Avec Albert Camus, Yannick Choira, Michel Gallimard, Julien Campani, Francine Faure, Florence Lecor, Mi, Élodie Collin, le journaliste, Antoine Sastre, Patricia Blake, Bibi Jacob, la narratrice, Françoise Cousin, bruitage, Bertrand Amiel, équipe de réalisation, Claude Niort, Emmanuel Armingue, Lélio Ploton et Baptiste Guiton. Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. are free to stand up for themselves. And the promises made stop gathering dust on the shelves. Show me. Show me. I know how you feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands. Show me. Show me. Show me. Show me. Albert Camus est et restera cette semaine l'un des hommes les plus occupés de Stockholm. Je puis dire que Camus est l'homme du jour en Suède. La conférence de presse qu'il a accordée ce matin dans les locaux de l'ambassade de France a du reste très favorablement impressionné le groupe compact des reporters et, à travers eux, les lecteurs de la presse de l'après-midi. Et ils sont légion. Voici quelques extraits pour vous de cette conférence de presse. Première question. Monsieur Camus, que pensez-vous de l'engagement de l'écrivain ? Je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire, mais plutôt service militaire obligatoire. On dit que vous travaillez, Monsieur Camus, actuellement à une pièce de Dostoïevski. C'est exact. J'étais, il y a exactement jusqu'au 17 octobre, j'étais en train de travailler à une adaptation des Possédés de Dostoïevski. Et j'en préparais une adaptation théâtrale. Pouvez-vous nous parler, Monsieur Camus, du projet de roman auquel vous travaillez à l'heure actuelle, le premier homme? En effet, mais par superstition, j'aimerais ne pas en parler beaucoup. J'étais aussi en train de travailler un roman, mais comme c'est un roman de type traditionnel que je voudrais faire, comme je ne suis pas sûr d'être un romancier, au sens traditionnel du mot, c'est une entreprise qui me fait un peu peur. C'est aussi le roman de ma maturité, si vous voulez. Par conséquent, j'y attache sentimentalement plus d'importance qu'à d'autres livres. Monsieur Camus, considérez-vous votre prix Nobel comme un embarras ou comme un obstacle à votre œuvre future? Dans la mesure où tout honneur représente pour un écrivain le plus grand danger qui le guette, certainement c'est un danger pour moi. J'essaierai simplement d'aborder ce danger comme tous ceux qu'un écrivain rencontre dans sa carrière. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Albert Camus, le discours de Stockholm, notre invité, le journaliste et écrivain Olivier Todd, biographe de Camus. Bonjour Olivier Todd. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter au Nouvel Observateur, puis adjoint directeur de la rédaction de l'Express jusqu'en 1981. Je ne donne pas tout de votre parcours, hein, parce qu'il est fourni. En parallèle de votre carrière de journaliste, vous avez écrit plusieurs livres, dont les célèbres biographies de Malraux en 2001, nous nous étions vus d'ailleurs à cette occasion, et de Camus en 1996, les deux chez Gallimard. Vous avez connu Camus personnellement ? Non. Je l'ai rencontré et sa première rencontre a été très curieuse et m'est restée. J'habitais près de la place Saint-Sulpice et au café de la mairie venait presque tous les jours Camus qui habitait rue Madame et qui regarda un jour ma femme d'une façon absolument scandaleuse. Alors j'étais avec un ami, Charles-Roger Leblanc, qui vit encore, qui peut témoigner, et j'ai dit « mais pour qui se prend ce con ?» Et en regardant Camus et à haute voix, et Leblanc m'a dit « mais il se prend pour Albert Camus ». Formidable. Alors, passent les années, je m'attaque à la biographie de Camus, et chaque fois qu'on me parle de Camus et des femmes, on me dit « si vous l'aviez vu, regardez une femme ». J'arrêtais les gens et je disais « je connais ». C'est quand même assez singulier de pouvoir dire à Camus, qui c'est ce con, hein ? Bon, entre parenthèses. Alors, plus sérieusement, dans une interview que vous avez donnée, vous dites, et je vous cite, hein, « Albert Camus est un écrivain dangereux qui nous oblige à remettre en question beaucoup de nos convictions ». Alors, on voit bien que le propos, il est positif. Que vouliez-vous dire, précisément ? Je crois qu'il est dangereux parce qu'on peut l'homogénéiser trop facilement. Ce qu'on fait d'ailleurs, je pense, sur le plan scolaire. Il y a les bons, il y a les méchants. Lui, il a surtout été du côté des bons. Les méchants, il les dénonçait, mais peut-être pas très très fortement. Alors, je pense que avec Camus, il faut être comme devant la plupart des écrivains. Il faut, excusez-moi du peu, beaucoup sont de mes amis, oubliez les universitaires. Il faut lire les textes et s'éloigner le plus possible des commentaires, qui sont souvent des commentaires sur les commentaires, et qui sont des propos pillés chez les uns et chez les autres. Il faut lire Camus comme il le demandait lui-même, comme il l'a demandé dans ce fameux discours de Stockholm où il y a à boire et à manger. Il disait sans arrêt, je crois plus de 100 fois, il faisait allusion au fait qu'il était un artiste, un artiste, un artiste. Mmh. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, en effet. C'est avant tout un écrivain. Je crois pas un écrivain est un artiste ? Pour vous, un écrivain est un artiste ? Bah, il essaye de l'être, très souvent, en tout cas. Il y en a quelques-uns qui réussissent pas mal. Et je crois que d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Il y a un parallèle à faire un petit peu entre Sartre et Camus. Ah, en ce sens que il n'était pas ce qu'il croyait être, ni l'un ni l'autre. Mmh. Je m'explique. Et j'aimais beaucoup Sartre en tant que personne. Je crois que Sartre, je crois pas, je suis sûr. D'abord, Sartre était persuadé qu'il était un génie, ce qui n'est pas la conviction de la plupart des écrivains. Et deuxièmement, il croyait qu'avant tout, il était un philosophe. Moi, personnellement, je pense que c'est pas le cas. Je pense que les années prouveront petit à petit que lui aussi, comme Camus, était un écrivain. Mmh. Un écrivain qui a écrit quelques très très beaux livres, presque sans le savoir. D'ailleurs, ils avaient tous les deux par moments des doutes, mais très différents. Camus, lorsqu'il a écrit, à mon avis, son plus beau livre, son plus beau texte, La Chute. Ah, on est d'accord, nous sommes d'accord, je l'ai dit. Oui, La Chute. Oui, non, c'est son plus beau, incontestablement son plus beau texte. Oui. Sartre m'a d'ailleurs dit qu'il n'aurait jamais écrit des mots si Camus n'avait pas écrit La Chute. La Chute. Mmh. Alors je lui disais, mais pourquoi ? Et Sartre me disait, parce qu'il s'y est mis et s'y est caché tout entier. Et si on lui disait, vous, dans les mots, il passait à autre chose. Parce que La Chute est un effort considérable pour décrire l'homme moderne de notre temps, le parisien mondain, etc. Ou les amis qui ne vous appellent jamais quand ça ne va pas et qui vous appellent quand ça va, ah, les bazaines. Extrait de La Chute. Oui, je crois que c'est voilà, vrai. Il y a oui. d'autres. Hein. Camus, l'œuvre avant tout. Alors, 600 pages de biographie, évidemment, il faut être fasciné par un personnage pour en faire une biographie, me semble-t-il. Qu'est-ce qui vous fascine chez Camus ? Ah ben, j'ai eu plusieurs étapes, parce que je suis obligé de vous dire que mon point de vue sur Camus a changé et continue de changer. Pas plus tard que hier matin, j'avais une vision différente du premier homme dans mon souvenir. Mais ce qui m'a d'abord fasciné chez Camus, c'est la lecture de L'Étranger dans les jardins du Luxembourg quand j'avais 13 ou 14 ans. Et après, immédiatement, ça a été la lecture des premières pages de Noces. Et beaucoup plus tard, ben, j'ai changé, j'ai évolué. Mais aujourd'hui, je m'en tiens à l'étranger, à Nos, à la chute, avant tout. Le reste, à mon avis, est en train de passer un petit peu. Reste que se soumettre à une relecture 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans après, c'est une épreuve assez difficile. Je n'écrirai plus ma biographie comme je l'ai écrite à l'époque. C'est intéressant aussi que de voir qu'à travers un homme et surtout son œuvre, on peut comme ça avoir ses convictions ébranlées, changer. Mais c'est si formidable. Les écrivains ne vous font pas changer, ils sont par certains côtés très inutiles. Parce qu'on a tendance, je crois, enfin, beaucoup de gens de ma génération, à s'identifier soit au personnage, soit à l'écrivain. Pas au personnage. Camus disait que c'était un héritage du romantisme que de croire que les écrivains parlaient d'eux à travers des personnages. Bah, c'est un héritage du contre-romantisme, existentialiste ou pas, de dire ça. C'est... La littérature est un monde totalement mouvant qui ne répond pas toujours à la réalité et à la réalité des individus. Puisque vous nous avez mis sur le terrain de la coexistence, Sartre, Camus, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faut vraiment choisir ? Ben non, justement, et par exemple, Michel Tremblay a publié un bouquin gigantesque dans lequel il nous a tous pillés sur Camus. C'est un pot-pourri de tout ce qui a été écrit sur Camus, mais c'est pas très révélateur. Je peux en dire du mal puisque lui, dans ce bouquin-là, dit du bien de mon bouquin. Vous voyez, alors un rendu. Je crois que Camus est un de ces auteurs qui laisse toujours un peu perplexe, selon la manière dont on lit. Moi, j'ai souvent tendance, je suis sûr, à lire beaucoup plus avec mes tripes qu'avec ma tête. Et ce que les gens sont, ce qu'ils font, m'intéresse plus que ce qu'ils disent et racontent. Surtout que, exemple, Camus et ça, ils se trompent souvent sur eux-mêmes. Ouais. Olivier Todd, c'est passionnant, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler d'Albert Camus. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Olivier Todd, Sartre Camus, oui, vous avez donné un élément de réponse, j'ai envie de vous dire quand même, mais encore. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut distinguer chez l'un et chez l'autre l'homme et l'écrivain, l'artiste, même si Sartre aurait rigolé, parce que l'idée de postérité, ça ne l'intéressait pas du tout. Camus, je crois que c'est très différent. Camus, à tous les moments de sa vie, jeune, malade ou en bonne santé, si je suis arrivé rarement, sait très bien qui il est. Et il a une idée assez arrogante de lui-même. Pour employer une expression dont se servaient beaucoup les pieds noirs, il ne voulait pas qu'on lui manque. On pouvait pratiquement le provoquer en duel. Ce que d'ailleurs il a cru qu'on faisait un jour. Un jour, on a insulté une de ses... Catherine Sellers, qui était une de ses, disons... compagne préférée, et il a provoqué en duel l'homme qui devait le faire. Sartre n'aurait jamais fait une chose pareille. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer Sartre en train de se battre, enfin. Et un des malentendus entre Camus et Sartre remonte à cette faculté qu'a Sartre de se cacher tout de même. Dans un texte très connu où Camus et Sartre s'insultent dans les temps modernes, Camus a une phrase que moi j'ai décryptée pour la première fois. Il dit... je ne veux pas recevoir de leçons de gens qui n'ont jamais eu que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Et ça renvoie à quoi, ça? Ça renvoie au fait que pendant la libération de Paris, Camus avait envoyé Sartre occuper des fauteuils de la Comédie française. Mais chacun son genre de beauté. Vous comprenez, on n'imagine pas Sartre à la tête de la brigade Alsace-Lorraine. On n'imagine pas, Camus en train de faire du porte-à-porte pendant l'occupation dans les maisons d'édition. Non, ça montre quand même, c'est étonnant. Regardez, ça fait un peu plus de 8 minutes que nous parlons de Camus. Et nous parlons de Sartre. Et si l'émission était consacrée à Sartre, nous parlerions probablement de Camus. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où l'existence de l'un n'est pas forcément liée à l'existence de l'autre? Non, je ne crois pas. Je crois que leur liaison fraternelle a fini comme elle a commencé. Elle commence sous l'occupation avec un texte de Sartre, très beau, où il parle de l'étranger et du mythe de Sisyphe, et il dit « Monsieur Camus est un bon romancier, un bon écrivain, mais c'est un très mauvais philosophe ». Et à la fin de sa vie, dans la note nécrologique qu'il a faite pour l'Observateur, il dit exactement la même chose. Il ajoute à ça une phrase que je trouve toujours très intéressante. Il dit « Nous étions brouillés, c'est une autre façon de vivre ensemble ». Mais ça, cet ensemble-là, me semble-t-il, Camus le vivait très mal. Il regrettait la liaison avec Sartre. Sartre, lui, s'en moquait complètement. À partir d'un certain moment, Sartre, je dirais, dès avant la guerre, quand il a commencé à être connu, Sartre se moquait totalement de ce qu'on disait. Camus était toujours sensible et affecté. Et d'ailleurs, il répondait d'une façon assez violente, je dirais presque par timidité. Il n'osait pas. Et d'ailleurs, je crois qu'on sent ça quand on le voit dans les émissions de télévision. Ou même dans l'archive qu'on a entendue. Ou même dans les émissions de radio. Il n'est pas sûr de lui-même. Alors, quelquefois, on le sent qu'il souffre. Dans le discours de Stockholm, il souffre quand il parle de l'Algérie, quand il parle de son travail, mais pas pour le reste. Le reste, il ne souffre pas. Je crois qu'on peut se méprendre très facilement et sur Sartre et sur Camus. Et je pense que, pour prendre un mot de Sartre, Sartre, lui, n'était pas totalement authentique dans la vie courante, alors que Camus l'était au point d'en être presque insupportable. Alors, en tout cas, il avait une vraie lucidité, parce qu'en 1946, il écrit une série d'articles intitulée « Ni victime ni bourreau », il annonce la fin des idéologies, la montée des nationalismes. Est-ce qu'il était plus lucide que ses contemporains dans l'observation de la vie de ce monde, de la politique, des forces sociales, des forces politiques. Je crois qu'il survit beaucoup mieux, et pour une raison, entre autres, c'est qu'il a séparé la politique dont il s'est détaché, la philosophie à laquelle il ne croyait pas, il ne croyait plus. À Stockholm, il racontait que la philosophie l'avait mis sur de mauvais chemins, enfin, qu'il regrettait de s'être fait passer pour philosophe, et il a bien voulu accepter le fait que, avant tout, ce qui l'intéressait, c'était les mots, la création artistique, et les mots qui périssent, qui passent, mais qui quand même demeurent. Aujourd'hui, je pense que si froidement on fait un relevé des choses exactes que Camus a pu penser sur son époque, on trouvera qu'il était dans le coup. Dans 50 ans, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne Sartre, on verra qu'avec une magnifique dialectique, il s'est radicalement trompé très souvent. Je dis ça avec toute l'affection que je lui porte encore. Et sur l'Algérie, alors, Albert Camus, sur l'Algérie, quel bilan on peut tirer de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pensé? Parce qu'évidemment, il y a une implication très forte, l'Algérie. Il y est né. Hein. Donc, Camus et l'Algérie, c'est quoi pour vous? Quelle trace ça laisse? Il y a eu cette malheureuse phrase sur sa mère à Stockholm. Qu'il défendrait toujours sa mère avant une juste cause. Oui, c'est ça. Et là, à mon avis, il s'est mélangé les pédales en prouvant qu'il n'était pas philosophe, parce qu'on ne compare pas un sentiment vis-à-vis d'une personne avec une cause juridique. Alors, on lui avait offert de s'expliquer. Le Monde, Sean Benoît, dans Le Monde, de rédacteur en chef, lui avait dit « Voulez-vous développer ?» Et un peu hautain, un peu arrogant, il a dit « Non, je vais publier mes chroniques algériennes ». Et ça, si on relit les chroniques algériennes aujourd'hui, on est vraiment épaté. Ça, je n'en démords pas. Pour moi, il y a un journaliste important chez Camus, c'est celui qui écrivait dans Alger Républicain avant la guerre. C'est pas seulement celui de l'Express ou de Combat. Même Combat, c'est glorieux, c'est hautain, c'est bien envoyé, mais c'est un peu matu quand même, et c'est un peu prêchi-prêcha. Alors que les reportages de Camus dans Alger Républicain, où il dit que la condition des indigènes en Algérie, j'emploie le mot indigène comme on le faisait à l'époque, que la condition des indigènes en Algérie était de l'esclavage, c'est quand même très fort. Et ça revit aujourd'hui. Tout à l'heure, excusez-moi, j'ai pris dans un taxi un chauffeur kabyle. Qui m'a tenu à peu près les mêmes propos. Un autre écrivain a croisé la route et la vie de Camus, et ben c'est André Malraux, auquel vous avez consacré aussi une biographie. De quoi était composée cette relation entre Camus et Malraux? Ça, à mon avis, c'est une relation totalement asymétrique. C'est-à-dire que Pia, un ami de Camus, a donné les manuscrits à Malraux, qui les a immédiatement recommandés chez Gallimard. Camus, lui, on a été toujours très reconnaissant, et il parlait toujours de Malraux en disant « Mon ami, je pense que c'est une fausse évaluation, je pense que Malraux, à ce niveau-là, n'avait pas d'amis, à part peut-être le général, et encore. Mais je crois que ils avaient pour eux, l'un pour l'autre, beaucoup d'estime, beaucoup d'affection, et quand il a appris qu'on lui remettait le Nobel, Camus a répété à plusieurs personnes, y compris une de ses chérie Patricia Blake, le jour où il a appris qu'il avait le Nobel, il a dit « Oh, c'est Malraux qui aurait dû l'avoir, c'est Malraux qui aurait dû l'avoir ». Alors, c'est une phrase qu'on a reprise sans arrêt, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire « Il aurait dû l'avoir plutôt que moi, parce que c'est un élève plus méritant » ou est-ce que ça veut dire « Il ne l'a pas eu parce que les gouvernements français avaient fait pression sur le gouvernement suédois pour que celui-ci fasse pression sur l'Académie suédoise pour qu'il ne l'ait pas ». Tout ça est encore très compliqué, et je pense que d'ici des années, quand les archives vont finir par s'ouvrir, vous savez, les messieurs de l'Académie suédoise sont tous très respectables, incontestablement, mais ils ne parlent que quand ils sont un peu ivres. Et moi, j'ai été un jour à Stockholm, et dans un dîner où était un des membres de l'Académie, un des secrétaires. Il avait un peu d'agvit dans le coffre, et je lui demandais alors les pressions, etc. Oh, il me disait, dans la position où on est, vous savez, on ne peut pas. Et puis, il faut dire la vérité quand même. Le prix Nobel, c'est une des grandes gloires de la Suède, qui est un pays admirable, mais un pays qui passe son temps à vouloir se faire excuser d'avoir laissé passer les Allemands pendant la guerre de 40, non seulement contre les Norvégiens, mais aussi contre les Finlandais. Alors, je crois qu'il faudra encore beaucoup de temps, et encore creuser sans arrêt les archives. Très bien. Pour ma part, j'aimerais beaucoup que s'ouvrent certaines archives concernant Camus. Par exemple, j'aimerais que les lettres de Camus à Maria Cazares, quand même, celle qu'il appelait l'unique, son grand amour, soient mises en circulation. D'après ce que j'ai compris, Catherine Camus, la fille de Camus, les a achetées à Maria Cazares, à voir, à vérifier. Par ailleurs, je pense qu'il serait beau que Catherine Camus autorise mi-hiver sa dernière jeune compagne de Camus de publier sa correspondance, que j'ai vue en partie et qui, sur le plan littéraire, est très intéressante. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Merci Olivier Todd. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Albert Camus, le discours de Stockholm. Une fiction écrite par Vincent Daigre, réalisée par Baptiste Guitton et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand.